Ce local, comme on en voit tant à Paris, avait longtemps servi de magasin, d'arrière-boutique et de cuisine à l'une des deux boutiques situées sur la rue. Crevel avait détaché de la location ces trois pièces du rez-de-chaussée et Grindot les avait transformées en une petite maison économique. On y pénétrait de deux manières. D'abord par la boutique d'un marchand de meubles, à qui Crevel l'a loué à bas prix et au mois, afin de pouvoir le punir en cas d'indiscrétion, puis par une porte cachée dans le mur du corridor assez habilement pour être presque invisible. Ce petit appartement, composé d'une salle à manger, d'un salon et d'une chambre à coucher, éclairé par en haut, parti chez le voisin, parti chez Crevel, était donc à peu près introuvable. À l'exception du marchand de meubles d'occasion, les locataires ignoraient l'existence de ce petit paradis. La portière, payée pour être la complice de Crevel, était une excellente cuisinière. Monsieur le maire pouvait donc entrer dans sa maison économique et en sortir à toute heure de nuit sans craindre aucun espionnage. Le jour, une femme mise comme se mettent les Parisiennes pour aller faire des emplettes et munie d'une clé ne risquait rien à venir chez Crevel. Elle observait les marchandises d'occasion, elle en marchandait, elle entrait dans la boutique et la quittait sans exciter le moindre soupçon si quelqu'un la rencontrait.